Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM. Voilà, donc je voudrais faire référence à Michel Onfray, philosophe, hein, qui aussi parle dans les différentes, en particulier l'université populaire, et qui parle du socialisme libertaire. Socialisme libertaire, nous ne sommes pas très loin des élections européennes, et ce que Michel Onfray peut penser du socialisme libertaire. Le socialisme libertaire que je suis, du moins que j'essaye d'être, dit Michel Onfray, car l'épithète exige plus d'une assesse dans une dynamique sans fin qu'elle n'est un bâton de maréchal obtenu pour la vie, ne trouve pas son compte aux quatre versions du socialisme proposées sur le marché médiatique contemporain. Je ne suis pas un socialiste libéral, comme Macron est les siens. Ce socialisme, qui est le produit des renoncements de la gauche à être de gauche par Mitterrand en 1983, propose de créer d'abord des richesses pour les distribuer ensuite. Ce sophisme travesti sous les allures du bon sens a fini par montrer quelle était sa véritable nature, la paupérisation. On voit bien en effet un socialisme affairé à produire des richesses, à appauvrir les pauvres et à en augmenter le nombre, puis à enrichir les riches et à en diminuer le nombre en concentrant des fortunes inouïes entre les mains de quelques-uns. Mais on ne voit jamais venir le jour de la redistribution, car c'est toujours demain qu'on rase gratuitement. Et demain, ce n'est en aucun cas aujourd'hui. C'est toujours demain, donc jamais. Je ne suis pas un socialiste social-démocrate, comme Hollande et les siens. Ce socialisme ne dispose d'ailleurs pas de franches barrières avec sa version libérale. Il est une variation sur le thème du socialisme libéral qui, certes, laisse le marché faire la loi, mais laisse aussi un peu. Et tout est dans ce peu à l'État la possibilité d'intervenir, plus que dans la version précédente, afin de corriger les effets de la paupérisation du socialisme libéral. Or, la loi du marché, libre avec sa concurrence non faussée, est la clé de voûte de l'Europe de Maastricht, à laquelle je m'oppose. Le socialisme social-démocrate, praticable dans la configuration bureaucratique de Bruxelles, est une fiction. Il fonctionne en cache-sexe de la brutalité européenne libérale et paradoxalement bureaucratique. Je parle de paradoxe parce que le libéralisme, s'il est liberté totale du laisser-faire et du laisser-passer, entre en contradiction avec l'État. Or, en France, mais aussi dans cette Europe qui nous gouverne, c'est la bureaucratie étatique qui impose le libéralisme, ce qui donne raison à certains libéraux qui affirment que nous ne vivons pas dans un régime libéral. Dans l'acceptation puriste du terme, ils ont raison. Le néolibéralisme qui nous serre à la gorge avec ses décisions venues de Bruxelles est une tyrannie démocratique dont Tocqueville a brossé le portrait un siècle avant son avènement. Je ne suis pas un socialiste robespierriste, comme Mélenchon les siens. Je reste sidéré qu'on puisse encore choisir, dans la Révolution française, qui est un grand moment de l'histoire de France, ce théoricien de la terreur et de la guillotine comme auxiliaire de la vertu. Ce penseur de la loi sur les suspects comme accélératrice de fraternité, cet acteur du tribunal révolutionnaire comme engrenage d'une machine susceptible de générer la liberté. Il existe dans le panthéon des révolutionnaires français des figures authentiques révolutionnaires qui ne pensent pas la politique en termes de guerre civile, d'ennemis à anéantir, de sang impur à verser, pour abreuver les sillons de tête au bout de pique ou de pendu à la lanterne. Je ne suis pas non plus, et enfin, un socialiste néo-trotskiste comme Besancenot. Archaud et les leurs. Je n'ai jamais été trotskiste, ni maoïste, ni gauchiste, ni marxiste, ni communiste. La lecture de « Qu'est-ce que la propriété ?» de Proudhon, lors de mon année de philo, au lycée, m'en avait prémuni. Mais je regardais avec un œil intéressé, comme des milliers de gens de gauche, soucieux d'un espace alternatif au vieux parti, le projet qu'eut un temps Olivier Besancenot de transfigurer l'ancienne boutique trotskiste en nouveau parti anticapitaliste dans un grand mouvement où se retrouveraient altermondialistes et féministes, écologistes et humanistes, décroissants et surtout libertaires. J'ai dit qu'un article de lui, célébrant Louise Michel dans Libération, m'avait convaincu de sa volonté d'élargir et de fédérer une gauche désireuse d'action en dehors des appareils de parti. Hélas, comme des milliers de gens, il m'a fallu déchanter. La faucille et le marteau avaient disparu du drapeau rouge, ce qui n'est pas une mauvaise chose, car la faucille ne coupait que des blés et le marteau n'enfonçait que des clous. Mais quand je vis l'aveu qu'était le choix d'un mégaphone comme symbole de substitution, je compris que le NPA voulait le monopole de la parole révolutionnaire et probablement rien d'autre. Il l'eut, il l'a, et après. Voilà, j'ai pensé de Michel Onfray, hein, parce que Michel Onfray se définit, comme il le dit, comme socialiste libertaire, hein, c'est-à-dire en dehors des partis, fut-il de gauche, qui, bien sûr, sont plus ou moins sectaires et bien loin, bien sûr, des théories des partis dits socialistes, social-démocrates. Voilà. Moi, je crois que c'est une pensée quand même qui vaut la peine d'être soulignée, d'être entendu, surtout avec des élections européennes où beaucoup de personnes n'iront pas voter du fait qu'ils ne se retrouvent pas dans un parti. Et puis pour les gens qui sont un peu orphelins de la gauche, hein, d'un parti socialiste qui a mal tourné, qui a tourné plutôt vers la droite, eh bien je crois qu'il est temps aussi de créer un espace entre ce néolibéralisme. J'allais dire cet ultralibéralisme qui gouverne l'Europe aujourd'hui, et puis le fascisme d'extrême droite qui aujourd'hui envahit également l'Europe. Et je crois que ceux qui ont des volontés humanistes de gauche, libertaires de gauche, eh bien, doivent peut-être s'unir pour réussir justement à créer quelque chose dans cette mouvance de gauche. Voilà où beaucoup de citoyens pourraient se retrouver. Voilà, je vous laisse méditer au cours de cette journée, que je vous souhaite un meilleur possible, et je vous donne rendez-vous jeudi prochain si tout va bien.